On est en live pour ce moment particulier qui est un peu le premier moment, on va dire un peu à l'arrache quand même. On va être assez honnête. On a déjà acté le fait que cette émission pouvait partir, ce créneau pouvait partir en sucette. Je commence tout de suite par une dédicace à ma sœur qui écoute et qui voulait que je lui fasse une dédicace, donc qui écoute Web Radio Crochet sur sa télé, c'est possible. Donc si vous n'avez pas d'ordinateur mais que vous avez une box, vous pouvez quand même écouter sur la télé. C'est du délire. Mais du coup, il y a juste apparemment m'a envoyé une photo, il y a une image noire avec un lecteur, c'est assez minimaliste. Alors là, c'est donc l'émission culinaire. Je fais juste une petite remarque, c'est que peut-être nous allons être coupés par les cris d'un enfant qui est en train de manger pendant l'émission culinaire, et du coup ça peut désorganiser un petit peu l'ensemble de l'émission. Moi je fais un petit bisou. À l'enfant ? À tous ceux qui écoutent. Ah, okay. D'ailleurs, vous n'êtes pas assez nombreux parce que j'arrête pas de faire des appels pour envoyer des messages. Vous stagnez à 24-25, c'est pas suffisant, c'est pas satisfaisant. Donc si vous voulez la vraie surprise à 23h, la grosse surprise, comme on a dit, il va falloir se bouger les fesses, les amis. Donc on compte sur vous, des textos, des snaps, des WhatsApp, des ce que vous voulez, des textos même, ça marche. Non, des corbeaux, je voulais dire. Corbeaux voyageurs. Non, ça n'existe pas des corbeaux voyageurs, c'est des pigeons. Ouais, mais dans Game of Thrones. Ah oui, ouais. L'émission pop culture, c'est plus tard là, c'est nourriture. Et du coup, je voulais dire d'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent nous ramener de la nourriture, on n'a rien prévu pour l'instant, on est plein ici au Diable Corps, on enregistre des super bonnes émissions pour vous. Si vous voulez nous ramener des choses à manger pour ce midi, avec plaisir, on vous attend. Ouais, c'est vrai qu'on a faim d'ailleurs. Ah, on entend un enfant on qui pleure. On entend l'enfant qui pleure. Est-ce que je mets Astérix et Cléopâtre qu'on a Bon, j'y vais. Ouais, attendez, on a un petit jingle pendant ce temps-là en plus. C'est une chanson. Ah. La cervoise d'Astérix. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vis dans les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vive les quenottes qui croient qu'ils grignotent. Quand l'appétit va, tout va. Les sangliers d'Obélix. Écoutez ce qui va suivre. Le vieux proverbe est changé. On ne mange pas pour vivre. Il faut vivre pour manger. Quand l'appétit va, tout va. Pour la santé, y'a que ça. La pire émotion, c'est quand on a son estomac dans les talons. Les petits points frais, les bons gros, sur un rythme d'allégro. Pour manger et boire, font jouer des mâchoires. Quand l'appétit va, tout va. Les choses d'idées fixes. Papa des pompes de pain. Papa des pompes de pain. Obélix, mon cher amour, je t'empirerai toujours. Mais le roi des rois, désormais c'est toi. Quand Obélix va, tout va. Cléo, j'aime ton nez mignon. J'aime aussi les champignons. Et puis les saucisses et le pain d'épices. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Fromage, c'est une belle qui n'a qu'un œil, c'est un oiseau sans plumage, une forêt sans écureuil. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Veuillez rendre hommage au glorieux fromage. Quand l'appétit va, tout va. Quand le chameau passe, et là. Quand le chameau passe, et là. Il nous commande des châteaux brillés. Quand le chameau passe, et là. Mais non, j'ai une bosse, je suis un dromadaire, pas un chameau. Oh, c'est agaçant à la fin. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vite les quenottes qui prend des crignottes. Quand l'appétit va, tout va. Ne l'oubliez pas pour absent. L'appétit vient en mangeant. Vite dans les putains, viens nous la ripaille. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va, n'est-ce pas? Que de souvenirs sur cette chanson, c'est incroyable. Il est midi 10, midi 11 pour être précis, c'est l'heure de manger. Alors bon appétit à tous ceux qui nous écoutent en cuisinant. On a l'intention de vous donner envie de cuisiner et de vous mettre l'eau à la bouche. Nous sommes en direct avec Liberté, la cuisto, une des cuistos de la conjuration des fourneaux. Alors, bonjour à toi, Libou, comme on t'appelle, dans le milieu. Exactement. Donc, bonjour à tous. Comment tu vas ? Ça va, tranquille. Ouais. Je voulais commencer par une phrase. Commence par une citation. Phrase. Allez. L'œuf est genèse et fin, il donne faim. Timothy Cox. Eh ben, ça, c'est beau. Pedro ? Oui. Tu veux une citation toi aussi? Non, j'ai pas de citation. Ok, alors est-ce que tu peux nous parler, Libou, déjà dans un premier temps, du métier que tu exerces, c'est-à-dire cuisinière, notamment à la conjuration des fourneaux? Ça nous intéresse particulièrement, ce restaurant. Tu veux dire en fait, pallier à toutes les surprises qui peuvent arriver au jour le jour? C'est donc ça ton métier? Oui. Ok. Est-ce que tu veux qu'on rentre dans ce détail-là? Non, merci. Ok, alors... Trop de stigmate. Parle-nous de nourriture, parle-nous de ce que tu aimes faire à manger, parle-nous de tout ça. Et ben, en fait, ce qui est assez chouette à la conjuration des fourneaux, c'est qu'on peut changer de menu toutes les semaines. Donc on a quand même une sacrée marge... De manœuvre, etc. Donc par exemple, moi, la manière dont je fais mes menus, c'est que si j'ai envie de manger un truc, je le mets au menu. Mmh. Et donc toutes les semaines, je prépare que des trucs que j'ai trop envie de manger. Et donc des fois je sais pas quoi choisir comme plat, donc je prends les deux, s'il en reste évidemment. D'accord. Et donc en fait c'est une chose assez... je pense que c'est ça qui fait aussi que c'est agréable aussi d'y bosser. Du coup heureusement que t'as pas des goûts dégueulasses. Bah ça on sait pas, il faut aller manger à Conjuration pour savoir. Mais... Oui c'est vrai. C'est où, la est-ce qu'on c'est peut, on peut peut-être... Oui tu n'as pas de micro. Je sais mais je parle au loin, alors allez-y. Je sais pas si on t'entend vraiment. Mais oui on m'entend. La Conjuration ça se trouve dans le quartier de Croix-de-Pierre. La Croix-de-Pierre, le quartier historique de la Croix-de-Pierre, où sont aussi situés les studios de la web radio Crochet, c'est vraiment c'est dense comme quartier. Et au numéro 100, numéro 149. Oh là, oh la confusion, trop de locaux. 149 de la rue de rue Saint-Hilaire, voilà. Ok, petite dédicace notamment à Coco aussi qui nous écoute. Là, je suis assez surpris, je viens de recevoir un message qui, elle aussi, participe activement à... Faire la cuisine. À faire la cuisine, mais à la bonne gestion de ce lieu. Est-ce que quelqu'un est capable de nous dire un peu plus sur ce lieu, notamment? On attend Camille, après, hein, qui est censée nous dire... Après, si la personne la plus qualifiée qui va venir nous en parler, mais je peux essayer quand même. Allez. Je pense que le resto, l'idée du resto, c'est un groupe de personnes qui se sont rencontrées, notamment sur les mouvements sociaux à la fac, notamment à la fin des années 2000, début des années 2010, qui ont décidé ensemble de plus quitter et de créer un espace où on peut se rencontrer, se réunir, manger ensemble, et voilà. Et se tenir ensemble, c'est aussi travailler ensemble, c'est se tenir ensemble et pas avoir un métier de merde, voilà. Réussir aussi à répondre collectivement à certaines questions financières, voilà, c'est important pour nous. Et c'est ça un peu l'idée en tout cas initiale du lieu. Mais des fois, on entend parler de cantine. Est-ce que c'est une cantine, la conjuration des fourneaux? Bon, je sais pas. Je pense que c'est un gastro-routier. Voilà, c'est ce qu'on dit en ce moment. Enfin, ça dépend des jours, en fait. Des jours, c'est plutôt cantine. Il y a des jours, c'est plutôt gastro-routier. Il y a des jours, c'est... c'est quoi? C'est un peu plus, c'est un peu mieux. C'est le luxe, c'est une cantine de luxe. Il y a des jours, voilà, ça dépend. Je crois vraiment que même quand c'est du luxe, il y a des gens du quartier qui viennent tout le temps. On a des habitués, ouais. Ils viennent tout le temps. Je pense que c'est leur cantine, même si on y mange super bien. On peut dire que c'est leur cantine. Beaucoup de gens qui. Tu sais, j'ai le débouché. Voilà, je vais faire un truc dégueulasse. Voilà ce qui se passe dans les cuisines de la conjuration des fourneaux. Voilà comment on fabrique des huîtres. Voilà, maintenant je peux respirer. Oui, il y a beaucoup de gens qui travaillent au CHU, au conservatoire, au lycée Jeanne d'Arc, qui viennent manger tous les jours. Et de fait, du coup, c'est leur cantine. Ils viennent depuis des années. Et voilà, c'est une cantine, oui. Il faut rappeler qu'il y a toujours un plat de viande et un plat végétarien. Voilà. Et vegan tous les mercredis. Voilà, on tend à faire du vegan le mercredi. Et des fois, ça peut arriver d'autres jours, mais généralement, c'est le mercredi. Ok, et est-ce que c'est toi qui travailles la semaine prochaine, peut-être? Oui. Alors, est-ce que on a une idée du menu ou comment ça marche? Il se trouve que j'ai... Qu'as-tu envie de manger? Qu'as-tu envie de manger la semaine prochaine et qu'est-ce que tu prépares aux nombreux clients? Alors, mardi, par exemple, vous aurez du bœuf braisé au porto et au fromage bleu. Ah oui, c'est pas la cantine, là. Mamma mia. Là, on est sur le luxe. Et des lasagnes aux épinards ricotta. Je le redis, amenez-nous à manger. Et mercredi, par exemple, pour ceux qui se posent la question, vous aurez en plat vegan des courges butternut rôties au four avec des oignons rouges et une sauce au tahine. Et ben... au tahine ou au tahin? Ça dépend de la région dans laquelle tu viens. Je viens de Syrie, du coup. Tahine. Vraiment? C'est comme ça qu'on dit. Ok. Encore tout à fait fini. En ah fait. Ouais, vas-y, je suis vas-y, en retard. Non, non, j'ai pas fini mon menu encore. Alors, comment tu ah bon, fais justement? Bah, du coup, t'as pas fait ta commande? Non. Carton rouge. La logistique, on verra ça plus tard, les gars, s'il vous plaît. Et comment tu gères notamment ce truc-là? C'est le stress un peu quand même, non? Surtout que t'es toute seule en cuisine, si je ne m'abuse. Bah, allez, c'est un petit peu stressant, donc en fait, faut être organisé. C'est pas forcément. Ton fort. Mon fort, mais ça doit être. ça doit être une des qualités principales de quelqu'un en cuisine. Donc, du coup, c'est un exercice quotidien. Donc, a priori, normalement, j'aurais dû faire mes menus mercredi pour faire mes commandes jeudi, pour pouvoir recevoir mes livraisons lundi. Mais là, du coup, ça va être décalé dans la semaine. Ok, est-ce que tu veux c'est un appel à l'aide ou... Non, pas du tout. Ensuite, généralement, il faut quand même se préparer un petit peu en avance, etc. Donc j'essaye de faire des découpes ou des préparations de desserts la veille, histoire de présenter les choses les plus correctes aux gens qui viennent manger. En tout cas, ça se passe bien. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de quoi, que tu arrives à gérer le... Pour l'instant, je ne me suis pas coupé le doigt en deux, ni brûlé au troisième degré cette année. C'était plutôt pas mal. Ok, belle réussite, on est tous contents pour ça. N'hésitez pas à nous envoyer des messages de ce que vous êtes en train de manger, hein, on passera à l'antenne. Ça pourrait donner des idées pour la semaine prochaine d'ailleurs. Voilà, je sais par exemple que Coco a fait un houmous maison. Et là aujourd'hui le... Ouais, mais pas pour toi. Elle l'a dégusté en famille. Dédicace à la famille qui va manger ce houmous au persil d'ailleurs. Oui, un bisou encore. Est-ce qu'on a une chanson de prête là, sous la main? Ok, on va mettre une petite chanson, puis comme ça, on va improviser la suite pendant ces 3 ou 4 minutes de chanson. Allez, c'est parti. Hypocrite in 2015. Once I finish this, witnesses will convey just what I mean. Been feeling this way since I was 16. Came to my senses. You never liked this anyway. Fuck your friendship, I meant it. I'm African American. I'm African. I'm black as the moon. Heritage of a small village. Part of my residence. Came from the bottom of mankind. My hair is nappy. My dick is big. My nose is round and wide. You hate me, don't you? You hate my people. Your plan is to terminate my culture. You're fucking evil. I want you to recognize that I'm a proud monkey. You vandalized my perception, but can't take down from it. And this is more than confession. I mean, I might press the button just so you know my discretion. I'm guarding my feelings. I know that you feel it. You sabotage. sabotage my community, making a killing. You made me a killer, emancipation of a real nigga. The blacker the berry, the sweeter the juice. The blacker the berry, the sweeter the juice. The blacker the berry, the sweeter the juice. The blacker the berry, the bigger I shoot. I saw them shoot like a slave, can we black? Oh, you feel money for pain, can we black? I'm an asset of put me in a chain, can we black? I'm a chain now, me go a chain full of rocks. Oh, you know, see the rip, left yard from the back. But now we have a big whip back from the black. Oh, them are so redoomed from the start, can we black? But remember this, heavy rain start from. I'm the biggest hypocrite in 2015. Once I finish this, witnesses will contagious what I mean. I mean, it's evident that I'm irrelevant to society. That's what you're telling me. Penitentiary would only hire me. Curse me till I'm dead. Church me with your fake prophesizing that I'ma be just another slave in my head. Institutionalized manipulation and lies. Reciprocation of freedom only live in your eyes. You hate me, don't you? I know you hate me just as much as you hate yourself. Jealous of my wisdom and cards I dealt. Watching me as I pull up, fill up my tank, then peel out. Muscle cars like pull-ups, show you what these big wheels bout. Black is successful, this black man meant to be special. Cat scans on my radar, bitch, how can I help you? How can I tell you I'm making a killing? You make me a killer, emancipation of a real nigga. The blacker the berry, the sweeter the juice. The blacker the berry, the sweeter the juice. The blacker the berry, the sweeter the juice. The blacker the berry, the bigger I shoot. I saw them shoot like a slave, can we black? Oh, you feel my leap of pain, can we black? I'm an asset of put me in a chain, can we black? I'm a chain now, me go a chain full of rocks. Oh, you know, see the rip, left yard from the back. But now we have a big whip back from the black. Oh, them are super doom from the start, can we black? Remember this, heavy rain start from the black. Just remember that. I'm the biggest hypocrite in 2015. When I finish this, if you listen, then sure you will agree. This plot is bigger than me. It's generational hatred. It's cynicism. It's grimy little justification. I'm African American. I'm African. I'm black as the heart of a fucking Aryan. I'm black as the name of Tyrone and Darius. Excuse my French, but fuck you, no fuck y'all. That's as blunt as it gets. I know you hate me, don't you? You hate my people, I can tell cause there's threats when I see you. I can tell cause your ways deceitful. No, I can tell because you in love with the desert eagle. Thinking maliciously, he get a chain then you gon' bleed him. It's funny how Zulu and Thosa might go to war. Two tribal armies that wanna build and destroy. Remind me of these Compton Crip gangs that live next door. Beefing with Pyrus, only death settled the score. So no matter how much I say I like to preach with the Panthers, or tell Georgia State Marcus Garvey got all the answers, or try to celebrate February like it's my B-Day, or eat watermelon chicken and Kool-Aid on weekdays, or jump high enough to get Michael Jordan endorsements, or watch BET cause urban support is important. So why did I weep when Trayvon Martin was in the street, when gangbanging make me kill a nigga blacker than me? Sur du Kendrick, c'est ça? Tout à fait, Kendrick Lamar. Ouais. Et les gars qui écoutaient, faites pas les tarbas là, vous êtes 30, on a super faim. Moi j'ai mangé que des pains au chocolat et des croissants. Et on parle de trucs trop bons depuis tout à l'heure. Là j'ai faim. Ramenez-nous du fromage, pas du houmous, des trucs comme ça, des trucs cool. Ceux qui habitent à côté là, vous savez très bien de qui on parle. On sait que vous nous entendez. Voilà, vas-y, ramenez des trucs. Ok, on reprend sur... on va étendre notre présentation de la conjuration des fourneaux avec une personne qui va faire mieux que la personne précédente. Il y a un truc qui s'appelle bruit d'ambiance. Oh, et le bébé là, oh. Ouais, c'est bruit d'ambiance bébé là. Il y a un truc qui s'appelle bruit d'ambiance de restaurant. Ouais, tu peux le mettre, ouais. C'est long, clair. C'est 13 quelqu'un minutes. Un verre, des couteaux, que je puisse faire du bruit, s'il vous plaît. Regardez, écoutez, est-ce que vous dites ce bruit d'ambiance? On entend bien ce petit bruit d'ambiance. Ouais, on entend bien, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Tout ça est bien sûr faux, puisque nous sommes des génies de l'informatique et nous arrivons à recréer une ambiance. Grâce. Alors sur cette ambiance, Camille, oui. Nous t'écoutons. Est-ce que tu peux nous dire plus de détails sur la conjuration des fourneaux. Alors je veux bien, mais je n'ai pas entendu exactement ce qui a été dit jusque-là. J'imagine le classique, hein, ce que nous racontions pendant des années à tous les clients qui demandaient ce que c'était la conjuration des fourneaux. Donc bah, je vais reprendre là. Hein. On est une quinzaine, une vingtaine de personnes à s'être rencontrées pendant le mouvement contre le contrat première embauche, le CPE, en 2006. À ce moment-là, on a occupé la fac et le mouvement étant terminé, on s'est dit qu'il nous fallait un lieu pour recroiser les gens qu'on voyait d'habitude dans les mouvements sociaux, parce que la fac, c'est pas tellement un endroit où tout le monde peut aller facilement, et puis parce qu'on voulait notre lieu à nous pour y organiser tout ce dont on avait envie. Un lieu, on a pensé à un resto parce que pour plusieurs raisons. D'abord parce que le moment du repas, c'est un peu un moment privilégié pour discuter et se rencontrer. Du coup, au départ, on avait pensé des grandes tables où tout le monde pouvait se mettre les uns à côté des autres, même quand on ne se connaissait pas. Finalement, c'est devenu, oui, deux grandes tables et puis plein de petites tables aussi. Mais c'était aussi qu'on voulait avoir une force matérielle pour pouvoir faire de la bouffe pour plein de gens. Notamment, ça partait de l'idée des mouvements sociaux quand les gens sont en grève depuis longtemps et que ça se pose de trouver des moyens de bouffer pas cher ou de récupérer à manger, enfin, et de le cuisiner collectivement. Donc il y avait cette idée-là aussi d'avoir une cuisine. Et puis il y avait aussi l'idée qu'on ne voulait pas ressembler à un local politique. On voulait que les gens ils puissent venir sans nécessairement venir avec leur bagage politique, mais juste pour manger, et puis la rencontre se fait ou pas. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles on a ouvert ce resto. L'idée, c'était aussi qu'on puisse tous faire toutes les tâches, qu'il n'y ait pas de hiérarchie ou de spécialisation au départ. Donc on avait réfléchi pendant 6 mois, on avait testé des recettes qui étaient possibles à faire par tout le monde, même ceux qui ne savaient pas cuisiner, et il y en avait beaucoup au départ. Et puis on avait réfléchi ça pour que il y ait le moins de coûts possible et qu'on puisse faire des repas pas chers. Enfin voilà, ça c'était le point de départ. On a ouvert en septembre 2011, et voilà, c'était des créneaux tournants, etc. Et puis évidemment, c'est un projet qui a évolué au fur et à mesure des gens qui le composaient, de la situation, et donc il y a eu une spécialisation parce que les gens voulaient se libérer du temps, parce que il y en a qui étaient vraiment passionnés par cette idée-là pour plein de raisons. Et il y en a qui se sont plus concentrés sur la cuisine, qui ont développé vraiment des compétences assez impressionnantes dans ce domaine-là. Maintenant, on y mange bien à la conjuration. Des skills. Ce qui n'était pas toujours le cas avant. On savait très bien avant que, selon l'équipe, on pouvait s'attendre à des repas un peu différents, de qualité différente. Et maintenant, non, on y mange bien. Et puis, voilà, ça a évolué aussi parce que il y a des habitués qui continuent à venir et puis qui, au fur et à mesure, venaient juste au repas et ont commencé à venir aussi aux autres choses qu'on organisait. Parce que oui, évidemment, le lieu, c'était pas juste un restaurant. L'idée, c'était aussi qu'on puisse y organiser des événements, qui soient des événements qui nous faisaient tous un peu triper, mais qui soient aussi des événements de soutien à des luttes particulières. Dans des périodes de mouvement, des choses qui pouvaient ramener de l'argent pour des gens qui s'étaient fait arrêter, par exemple, et sinon des discussions publiques sur des thèmes qui nous paraissaient importants dans la situation. Je peux citer une des premières qu'on a faites, c'était par rapport à un transport de déchets nucléaires, et c'était peu de temps après Fukushima. Il y avait toute une réflexion à mener autour du nucléaire, et puis plus récemment, il y en a eu une vendredi soir autour d'une revue des années 70 qui parlait féminisme, homosexualité, et voilà, qui posait aussi des questions d'organisation politique. Enfin voilà, l'idée c'est que les discussions publiques, elles sont en général en rapport avec la situation, l'actualité, et puis avec les choses qui nous paraissent faire sens dans la situation. En général, c'est des repas un peu à prix libre ou offerts, parce que c'est des occasions particulières, c'est des moments pour partager autre chose que juste le fait de manger dans notre restaurant. Et voilà, je sais pas s'il y en a qui ont envie d'ajouter quelque chose. C'était bien, c'était complet. Peut-être tu parles bien, Camille, je trouve. Ah, merci. Peut-être le nombre de clients quotidiens, non ? Ça varie. On va dire une trentaine. Là, en ce moment, c'est une bonne trentaine. C'est pas mal. C'est pas par jour. 30 à 40. Ces dernières, sinon les semaines d'avant, c'était un peu moins. Ok. Avant de passer à une petite présentation de la ferme, je voulais peut-être, Libou, si tu as des anecdotes de cauchemars en cuisine à nous raconter, les pires souvenirs, pas forcément d'ailleurs à la conge, mais je sais pas si y a des trucs qui te viennent comme ça. Bah, je crois qu'il y a la fois où il y a... Oh non, c'est au resto. Hein, au resto. La fois où... on a reçu un coup de fil et c'était une dame qui disait « Bon alors on arrive, c'est bon, c'est pour vous confirmer qu'on arrivera bien à telle heure. » Et en fait c'était une réservation de 60 personnes, personne n'avait noté. Ah ouais. Et donc du coup genre rien n'était prêt, rien n'était cuit. C'était la panique totale parce qu'il y a une première personne qui a cette personne au téléphone et qui dit « Ne quittez pas, je vous passe quelqu'un de responsable », qui passe le téléphone, la dame réexplique, la deuxième personne dit « Ne quittez pas, je vais vous passer quelqu'un qui est plus au courant ». Et du coup, on s'est passé le téléphone à plusieurs comme ça, jusqu'à dire « D'accord, pas de problème ». Et la panique en cuisine, rien n'était prêt. Là, il y avait 15 personnes qui sont venues nous aider pour faire un truc. Et donc, on a réussi finalement à honorer cette réservation, même si c'était donc des lycéens qui étaient à l'auberge de jeunesse et la plupart étaient assis par terre, mais bon, c'était... Donc, il y en a qui râlaient, évidemment, mais globalement, ça s'est plutôt bien passé, avec des péripéties qui ont continué plus tard, mais qu'on ne peut pas raconter exactement. Ah. Mais ça s'est mal fini quand même. Sinon, il y a aussi un autre épisode, je crois que c'était au tout début, on avait ouvert et on avait fait cramer un truc, évidemment, qu'on avait mis directement dans la poubelle qui avait commencé à brûler. Donc, on a sorti la poubelle de sa boîte. Et là, c'était au milieu de la pièce, donc... au milieu de la cuisine, la poubelle dégoulinante en fumée. Et je crois qu'on a eu un contrôle d'hygiène ce jour-là. Donc c'était excellent. Wow, belle journée. Ouais, c'était un beau score. Belle pub en tout cas pour la congélation des fourneaux. Mais ils sont repassés depuis, on a quand même rétabli la ligne. Ouais, une sorte de professionnalisme qui est apparu, j'ai l'impression, depuis. Ok, je vais d'abord te passer. Je vais te faire un petit. Angèle. Je voulais juste dire que, vu qu'on parle de cuisine et vu qu'on parle de la congélation des fourneaux, là tout de suite, dans rue, il y a nos copains de la galerie Trampoline qui sont en train de faire un brunch. Il est peut-être encore temps, il reste peut-être des choses à manger si vous voulez y aller. C'est rue Saint-Vivien, on les embrasse. Tout en nous écoutant sur votre smartphone. Eux ont la chance de manger quelque chose. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, Juliette, ce n'est pas pour toi que je disais ça, bien que tu habites plus près. Je pensais plus au colloque de Béni. Hein. Oui, tout à fait. Oui. On vient de te voir passer, en fait, David. Ne nie pas, tu es rentré chez toi. Je t'ai vu il y a 10 minutes. Oui, donc ce serait bien que tu viennes, en fait. Ouais. Ce serait bien. Et tu fais autre chose que ta petite spécialité riz, cacahuètes et carottes, parce qu'il y en a marre de manger oui, toujours la du même chose. Oui, du cumin, du tiramisu en dessert, on connaît. Voilà. Tu changes un peu. Ok, on va passer. Est-ce que t'as une chanson là ? Oui, bien sûr. Ok, on fait une chanson. Après, on fait une petite interview de Libou, une interview combinée. Et ensuite, on parle de la ferme des 400 goûts. Tout à fait. Et ben, c'est parti. Mashed Potatoes by James Brown. The music lady. Mashed potato, yeah, yeah, yeah. We'll be right back. Ok, on est en direct. Alors, je commence directement. Direct. Moi, je suis désolé. Je commence tout de suite avec une petite dédicace à Lise qui mange, bon qui s'apprête à manger. Et qu'est-ce qu'elle mange ? Alors, c'est ce qu'elle mange. Je vous dis, oui. Petit mélange de courge, celle du panier de mardi dernier. Voilà. Avec patates, navets et pommes coupées en petits dés et cuits au four. Et après, elle rajoute qu'elle nous ramène à manger plus tard. Alors là, wouhou, c'est royal. Adorable. Merci. Voilà, donc merci Lise. Je ne sais pas quoi dire. Quoi. Je suis très satisfait. On a une seule amie, apparemment. Voilà, pour l'instant, tu te démarques, on va dire, Lise. Carrément. Tu es carrément en haut de la liste. Ok, on va faire une petite interview en mode combini ou hardisson, au choix, selon les goûts des gens. je sais que peu de gens apprécient Thierry Hardisson, alors qu'il est quand même vachement drôle. T'es prêt, Liberté ? Oui, je suis prête. Ok, tu dois répondre super vite aux questions. Et ensuite, enfin super vite, sans réfléchir dans l'idée. Il y a ensuite, un buzzer ou pas ? Non, il n'y a pas de buzzer, okay. Parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est toi qui sais quoi. Mais que des mauvaises réponses. Non plus, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement, Liberté. Tu peux te laisser aller. Et ensuite, tu peux creuser autant que tu veux. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu es prête ? Oui. Ok, alors, première question. Persil ou coriandre ? Coriandre. Okay. Parce que j'aime bien l'odeur du vent quand ça saoule dans la coriandre. Je comprends pas déjà la première. Ok. Fromage ou dessert ? Fromage. Parce que je suis pas trop dessert. Je déteste faire des desserts, c'est mon cauchemar au resto. Et tu préfères faire des fromages ? Ouais, j'en ai déjà fait. Pardon, quel fromage ? Chèvre. D'accord. T'es obligé de répondre vite tout le temps, toute ta vie maintenant. Ok, en parlant de fromage, camembert ou Pont-l'Évêque ? Pont-l'Évêque. Est-ce que t'as une Parce précision ? C'est un peu plus doux. Étonnant. D'accord, très bien. Attention, plus dur, jus de bissap ou Pelfort ? Pelfort. Ah, ça a répondu rapidement. La jupilère, c'est pas mal aussi. Ok, est-ce que tu veux en dire plus sur l'alcool ? Est-ce que tu veux lister les alcools que tu aimes ou... non. Je pourrais juste te dire l'alcool que j'aime pas. Oui, vas-y. Voilà. Merci pour ce moment. McDo ou Burger King ? Burger King, parce qu'ils font des frites de patates douces. Ah, exact. Maïté ou Jean-Pierre Coff ? Maïté. Ah ouais. T'as déjà vu la vidéo de Maïté et l'Ortolan ? Non. On devrait la visionner en web radio un jour. Je cherche. Oh, ça cherche. On continue. Couteau ou fourchette ? Couteau. Ah ouais. Intéressant. Ouais, c'est le côté un peu schizo. D'accord, ça fait peur. Sel ou poivre ? Poivre. Poivre vert. Ok. Gaspard, tu veux rajouter quelque chose ? Attendez, on va passer le micro. Et là, pas tort, Gaspard. Coca ou Pepsi ? Bootlegger. Ouais, bootlegger, parce que j'aime ni le Coca ni le Pepsi. Ok, moi j'aimerais bien qu'on entende aussi, Benny, le gars qui fait a Pepsi bottle, a Coca-Cola glass. Tu connais ce truc ? Non, pas du tout. Ah, c'est dommage. I don't give a damn. Mac, I don't give a damn sur YouTube. Ok, vous ça voulez le truc secondes. Maïté explique comment manger ouais, un ouais, ouais, vas-y. Ok, je le mets. C'est long ? Non, c'est 3 minutes. C'est quand même long. Serviette, on parle de l'ortolan à la serviette. Pourquoi ? Ah, je laisse les micros. La serviette va jouer un grand rôle dans la dégustation de l'ortolan. Et encore, il y en a qui sont bien plus forts que moi pour les déguster, ça j'en suis sûre. Parce que moi, j'en mange pas assez souvent quand même. Mais la serviette sert à cacher lorsqu'on a l'ortolan dans la bouche, parce qu'on a la bouche pleine de graisse, cet ortolan est très gras. Alors on a toute la graisse qui dégouline dans la bouche, et puis derrière la serviette, ah, nous on a la vidéo. On peut se concentrer davantage, on peut se régaler, apprécier, déguster, vraiment voir ce qu'on a dans la bouche. C'est une chose qu'on ne peut pas avoir souvent, et on veut en profiter au maximum. Voilà. Alors là, je vais commencer à manger mon ortolan. Alors je le prends. Et cet ortolan, il est brûlant, n'est-ce pas ? Alors je le mets, voyez-vous, contre la joue. Il est chaud. N'hésitez pas à cliquer. C'est ultra sexuel. Incroyablement sexe. Ça y est. Alors voyez, je commence déjà à voir de la graisse plein la figure. C'est ça qui est pas joli. J'espère qu'il n'y a pas de mineur. Je vous écoute. À part Gaspard. C'est chaud, il m'attarde de déguster. Elle a les yeux fermés hein, dans la vidéo. Ouais, c'est chaud. Ultra secret. Chose qu'on ne devrait pas faire et qui n'est pas très jolie. Je commence à le prendre et à lui sucer derrière. Oh mon amour, si vous pouviez déguster ce que je mange là. Mmh. Ah là, c'est bon. Avec juste l'audio, c'est dégueulasse. Avec la vidéo, c'est vrai. D'accord, trop chaud. Vous voulez que je coupe ou je viens juste moi, ouais. Oh, c'est bon. C'est mon Dieu, que je voudrais que vous soyez à ma place. Je vous assure, si vous pouviez avoir ce que moi j'ai, je suis écœurante, je suis sûre de manger ça devant vous, mais vraiment, je suis avec vous de tout cœur, et avec vous, régalez-vous avec moi en même temps. Bravo Maïté, bravo, ouais, bravo, incroyable, okay, amazing. Là, une impro, je m'attendais pas à rigoler autant. Avec une vidéo de Maïté. Il faut absolument regarder la vidéo, parce que là, on a eu la version audio, il faut absolument regarder la vidéo sur Internet. C'était le péché mignon de François Mitterrand en l'hortelan. Wow. Ah, en plus, encore une anecdote. Il va falloir continuer, là, ça va être difficile de reprendre. Il est midi, quelle heure ? 44 midi 44 déjà. Oh là, qu'est-ce que ça va vite quand on rigole. alors, on continue le petit jeu, là. Enfin, c'est pas un jeu d'ailleurs. Donc, Coca, Pepsi, tu disais non. J'ai pas envie de. Non, ça t'inspire pas. C'est vrai que c'est nul. Tu veux dire Coke ou Pepsi, c'est ça ? Ah, si tu veux. Dans ce cas-là, je dis Coke. Oh là, on a un petit problème de bébé. On va le mettre au frigo. Ouais. Je rigole, bien sûr. Promo cash ou l'oserais ? L'oserais, voyons. C'était une question piège. Je finis, il y en a quelques-unes encore. Conjuration ou fourneau ? Fourneau. Mmh. Non, je sais pas, conjuration des fourneaux. Non, ça marche pas. Ok, question piège, Team Fred ou Team Liberté ? Team Burton. Oh là là, quel niveau ! Et la dernière, pacifisme ou poulet grillé ? Poulet grillé. Merci à Angèle d'avoir concocté, excellent, ces petites questions. Je voulais dire aussi graines de pavot, mais. Voilà. Ah oui, graines de pavot, opium. Ouais. Graines de pavot. Ouais, okay, quand même pas beau. Oui, il y en avait plein. Si vous en avez d'autres, c'est trop tard. alors, par rapport à l'oserais, qu'est-ce qui se passe ? On est censé donner le micro. Oui, je crois que notamment la conjuration des fourneaux se fournit en légumes notamment et qu'il y a aussi des paniers qui sont distribués par la ferme de l'oserais. Du coup, ce serait sympa de faire une petite présentation de ce que c'est rapidement la ferme de l'oserais. Et quels sont les liens avec la conjuration des fourneaux ? Si vous entendez Gaspard, ça le rend complètement hystérique d'entendre parler de la ferme de l'Oserais parce qu'il adore y aller. Je crois qu'il se remet pas de la vidéo de Maïté. C'est ça. La ferme de l'Oserais, c'est un. En fait, il y a une présentation de la conjuration des fourneaux tout à l'heure comme étant un espace qui s'est créé après le mouvement contre le CPE. Et ben en fait, pour la ferme de l'Oserais, c'est un peu la même histoire, sauf qu'il y en a qui ont décidé de faire de la bouffe à la ville et d'autres qui ont décidé de produire de quoi faire de la bouffe à la campagne. Et en fait, ces deux projets-là sont extrêmement liés jusqu'à aujourd'hui. La ferme existe depuis 2011 également. Excellent. Excellent. Et du coup ? Et ça s'arrête là. Non, et alors j'avais absolument pas prévu d'intervenir là-dessus, mais en tout cas, tant qu'on parle de nourriture... c'était l'occasion de réaffirmer que la nourriture, c'est, comme ça a été dit tout à l'heure, ça prend une place hyper importante dans nos vies, que c'est un moment où on se retrouve, on partage les choses, où on discute, on s'organise, et du coup ça nous paraissait pertinent pour, malgré tout pour des gens qui à la ferme de l'Oserais, la plupart viennent pas du tout du monde paysan mais par contre avaient des envies d'explorer ce territoire là aussi comme étant un territoire où on peut créer des choses, où on peut se pencher sur la question de l'autonomie matérielle, sur la question de l'organisation collective en général, sur la question de comment évoluent les campagnes et comment est-ce qu'on peut y développer des choses qui nous parlent. Et par rapport, j'ai l'impression que on répond pas à la question, par rapport à la conjuration des fourneaux, c'est quoi le comment on appelle ça, le deal, le lien ? Le deal. Non, vous ramenez les légumes, si je. Ouais, tout à fait. Nous, alors pour donc à la ferme, on cultive des légumes, on fait aussi du pain au levain, on fabrique aussi depuis plus récemment de la bière et du cidre. Et du coup, depuis le début, il y a des liens un peu évidents avec le resto, dans le sens où le resto nous commande régulièrement des légumes et aussi nous a permis d'organiser des distributions de paniers de légumes à des gens qui prennent des abonnements. Et ça se passe un mardi sur deux à la Conjuration des Fourneaux. Donc c'est aussi l'occasion de venir au resto. Parce que, habitant à la campagne, évidemment, on a un rapport à la ville qui est un petit peu différent, un petit peu plus distendu. Mais en tout cas, il y a une volonté de garder ce lien absolument. Et le fait de venir régulièrement à la Conjuration, d'y rencontrer des gens qui vivent en ville et qui nous racontent aussi ce qui se passe, ça nous nourrit, et les gens aussi sont hyper curieux de savoir nous qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise et par quoi on est traversé. Et voilà, ça donne des échanges assez intéressants. On va aussi faire une petite parenthèse sur la bootlegger. Là, tu parlais de la bière. Enfin, la bootlegger, c'est la bière qui est fabriquée à la ferme avec le chef chimiste en herbe, je ne sais pas comment dire. En tout Breaking cas, est-ce bad. Que tu peux nous dire quelque chose sur cette bière? Pourquoi d'ailleurs bootlegger? Et pourquoi est-elle si bonne? Quel est ton secret? Oui, bootlegger, parce que bootlegger, ça voulait dire les gars pendant la prohibition aux États-Unis. Là, dans et les femmes. 30, et les femmes, pardon, bien sûr. Oh. Oh. Et les femmes. T'as perdu des clients, hein? J'ai rien dit. Justement. Femmes et les hommes du coup qui passaient clandestinement de l'alcool pendant la prohibition aux États-Unis dans les années 30. Voilà. Et du coup ça voulait dire les gens qui mettaient l'alcool dans leurs bottes, en fait. Mm-hmm. Boots, comprendre bottes en anglais, je crois. Tu sous-estimes pas, tu parles très bien anglais. Non, je parle super mal. Et donc voilà. Et est-ce que tu peux nous parler de la conception de la bière? Comment t'as appris ça? Est-ce que c'est difficile? Le counter bro, le maître brasseur. Ici c'est plutôt Marine. Donc il faut counter brown. Non, ça marche pas comme ça. Désolé, l'anglais ne fonctionne pas comme ça. Voilà, il faut demander à Marine pour comment fonctionne exactement la bière et ça. Mais de la bière, en fait, c'est pas moins que faire de la cuisine, en gros. On fait chauffer de l'eau, on fait infuser des céréales dedans, on rajoute plein de trucs, on transforme les sucres en alcool et en arômes, et au final, nous avons de la bière. Il y a une question de thermomètre aussi. Absolument, c'est une question très importante, la question de la température, parce que les sucres qu'on va transformer en alcool ou en arôme ne se développent pas aux mêmes températures. Et donc, on fait infuser le malt à des températures différentes pour avoir un peu tout ce qu'on veut. Et c'est, en fait, c'est pour ça qu'on peut aussi faire des bières, enfin, on a un panel de bières différentes, un peu infini, parce qu'on varie sur plein de paramètres, que ce soit les ingrédients ou les températures. Et on peut vraiment créer tous les types de bières qu'on veut. À quand la bière blanche? Alors, il y a une petite demande de bière blanche, du coup, ça va être prévu dans les prochains brassins. Toi, t'aimes bien la bière blanche? Moi, j'aime bien la ambrée aussi. Bah, la ambrée, on en fait. En fait, t'aimes c'est bien de la ambrée en ce moment. Mmh. Mais en tout cas, si vous voulez déguster de la bootlegger, il va y avoir 25 bootleggers qui vont être livrés ce soir ici dans le studio. Oh là là! Donc, il faut être présent pour en boire. Première surprise. Depuis ce matin, vont se ruer. Voilà, il n'y en a que 25 alors. 32 maintenant. 32, ça augmente. Parler de nourriture fait venir les gens. On a reçu très peu de messages. Oui. Juste, on a reçu très peu de messages de qu'est-ce que vous mangez, donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Signal ou sur ce que vous voulez, on s'en fout. Merci pour cette présentation de la bootlegger. Quand même, chapeau. Ça montre quand même à quel point une organisation efficace est en place, puisque production de bière à la ferme, dégustation de cette même bière dans une très belle bouteille. Au restaurant, c'est un beau cycle de la bière. On peut parler aussi de l'usine à pâtes, petite dédicace à nos amis de l'usine à pâtes qui produisent, eux, des pâtes. Tu veux en parler, Angèle? Non. Oui, bah, je peux dire qu'il y en a qui sont super courageux et qui cultivent des légumes à la ferme, mais pour ceux qui avaient envie de produire de la nourriture aussi, mais peut-être avec... c'est du boulot aussi, mais c'est moins quotidien comme travail. Je sais pas si vous avez déjà fait des pâtes, mais il y a un truc super satisfaisant parce qu'on arrive le matin et le soir, on peut repartir avec 50 kilos de pâtes. Donc ça, c'est quand même super. Et donc, l'usine à pâtes, on voulait se réapproprier ce côté un petit peu industriel après le côté de la terre. C'est... Alors, on dit l'usine à pâtes, en vérité, c'est un petit atelier hein, avec deux machines à pâtes qu'on a appris à maîtriser. On a trouvé nos recettes, on fabrique des fusils pour l'instant, mais on aimerait bien faire d'autres sortes de pâtes. Fusils. Fusilis. On n'a pas le droit à l'erreur sur cette radio, je vous jure, depuis ce matin. C'est pas pour, c'est pas l'enfer. Pour toi, mais c'est, ça va pas du tout inciter des gens à venir parler. Non, on fabrique pas de fusils. Donc. C'était pour être sûr qu'on nous laisse tranquille. Voilà. Très bien. Et du coup, c'est quoi le projet de l'usine à pâtes? C'est pas que de faire des pâtes pour nous ou pour le restaurant, aussi la conjuration des fourneaux qui sont des amis, mais c'est aussi d'en redistribuer. Alors que ce soit sur des piquets de grève ou encore à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu aussi, à un moment donné, quand il y avait la Garenne, un arrivage de pâtes à ce squat pour migrants, etc. Donc n'hésitez pas aussi, si un jour vous avez envie d'en savoir plus, il y a des informations sur Internet et vous pouvez venir pour vos collectifs faire des pâtes avec nous et repartir avec votre production. Et où est-ce qu'on peut les acheter sinon? On peut en acheter à la conjuration des fourneaux, comme c'est magique, tout se passe là-bas. Et on peut aussi, je crois, en acheter sur le stand du marché de la ferme de Lozeray, le samedi matin, place Saint-Marc à Rouen. Donc vous voyez, comme tout ça est très bien connecté. Ok, j'ai une nouvelle, un nouveau message de quelqu'un qui mange, Vincent. Vincent qui est frustré de ne pas être avec nous, je tiens à le dire. Bon appétit, Vincent. Bon appétit, Vincent, attention, il a mangé des choses... Là, on est dans un niveau assez... Hein ? Ah non, un niveau très, très élevé. Alors, il me dit, j'ai mangé un bon porridge ce matin avec de la levure de bière, de la poudre de lin, des noix de cajou et des amandes, des éclats de noix de coco et de la banane et un peu de confiture de framboise made in Claire. Voilà. Et il dit également que tu as une voix très agréable, Angèle. Ça, c'est la petite. Mais j'ai hâte de venir manger du porridge avec toi la semaine prochaine. Merci Vincent, n'hésite pas à continuer de nous envoyer toutes tes petites anecdotes. Qu'est-ce qu'il reste à dire sur la conjuration des fourneaux, sur tout ce qu'on fait, tout ça c'est bon. Je voulais finir avec quand même une recette. C'est notre plat préféré aussi. Hein. Ouais. Ah ouais. Peut-être le ça plat. Ça intéresse les gens, je crois. Ouais. Ça, c'est une question difficile, ça. Moi, si j'ai pas mangé depuis longtemps et que j'ai envie de bien manger, ça va être des sushis, je pense. Mm-hmm. Voilà. Moi, si je suis pas bien dans mes pompes et que j'ai envie de m'enterrer à 9 mètres sous terre, ça sera des lasagnes. Mm-hmm. Mm-hmm. Moi, j'adore les coquillettes parce qu'il n'y a pas besoin de mâcher. On peut les boire directement. Je déteste mâcher ma nourriture. Tous les gens qui sont au studio veulent venir rajouter leur petit plat, vous pouvez. Marine ? Non, moi, je suis pas du tout corporate. C'est des pâtes de l'usine à pâtes mélangées avec des légumes de Lozeray en buvant une bonne bootlegger. Ah ouais, c'est précis. Je vous propose de finir sur une petite recette, de liberté. T'en as une sous la main là. Ouais, mais j'avais pas envie d'être insultante, mais en fait, je voulais vous expliquer comment cuire un œuf. Okay, allez vous faire cuire un œuf, en fait. Allons nous faire cuire un œuf, vas-y, on t'écoute. Je sais pas si je reviendrai sur ce plateau. Vous m'avez pris au dépourvu. Et donc, comment se cuit un œuf? Pour ce faire, vous avez besoin d'une petite poêle et d'un peu de matière grasse du type huile ou beurre. Beurrez donc ou huilez votre petite poêle et faites-la chauffer sur feu moyen. Ensuite, lorsque le beurre sera fondu, cassez délicatement les œufs dans la poêle sans crever le jaune. Salez le blanc, mais pas le jaune, qui se tacherait de petits points blancs. Laissez cuire 2 ou 3 minutes en étalant légèrement le blanc avec une spatule. Et c'est prêt. Et miam, miam. Quand même, c'est impressionnant. Eh bah, bien, merci Libou. Franchement, c'était... Est-ce que tu reviendras sur les ondes de Radio Crochet? Oui. Super, alors à très vite. Et bah ouais, on préparera peut-être un peu plus là. Faut dire quand même, on était super en impro et j'ai l'impression que ça s'est quand même vachement bien passé. J'espère que ça s'est bien passé pour vous surtout. Parce que, voilà, moi j'ai trouvé ça très drôle et très agréable. Merci Marine pour la présentation de la ferme. Merci Radio Crochet. Merci beaucoup. Merci à la bootlegger. Une petite musique et on passe à autre chose. Oui, qu'est-ce que c'est cette autre chose? Et bah autre chose, c'est un peu la continuité, mais on va pas parler d'œufs cette fois-ci, mais on va recevoir l'association, enfin je suis pas sûr que ce soit une association ici. Ouais, une association L214 qui va nous parler de ce qu'ils font, enfin je rentre pas dans les détails. De véganisme. Je mets la musique. Allez. Allez, bisous. Bye. pascaline, noble chevalier, fine escalope pochée dans une infusion d'herbe fraîche au poivre de Madagascar. Gelé au vin de paille, bouquet d'écrevisses lié d'un sabayon au cédra. Mille feuilles croustillant au château Climas, 1995. Pressé de choux, cœur de bœuf et chair de tourteau, assaisonné d'un beurre fondu, cerfeuil et miel d'arbousier, une déclinaison d'asperges vertes et blanches. Pigeon gautier rôti entier, puis terminé à l'étouffer dans un poivron rouge. Galette d'oignon cébette aux fruits secs, miroir cassis de vin, échalote confite et traits de chocolat amer. Les poissons bleus, bavés de bonnet, cuits en cocotte, terminés dans un jus de lisette au vadouvant, escabeilles de sardines à l'aubergine, poêlés de thon rouge liés d'un sucre de crevettes grises, pisse à la lière d'anchois frais aux poules de choux. Les langoustines, trois préparations de langoustines bretonnes, grillées terre de sienne en tartare et en mousseline, infusion de crustacés au girolles liées de caroube, salade de mangeline, tuiles, amandes et citron vert. La charcuterie fine, ballotine de foie de canard aux graines de moutarde râpées de chorizo, pâté de veau truffé, chiffonade de poirier rouge, bouillon cultivateur, pelota tartinée d'une pâte de figue cérès, l'eau portugais, copa corse et régresse de cochon, tarte de ville au lard colonna, tomates et poires sèches chauds pour ma main, boudin noir maison à la canette, ça va quoi? Le biscuit soufflé à la vanille, vanille de Tahiti, cassate napolitaine, spirale de caramel à l'angélique et petit biscuit de chêne. Le homard en trois services. Petit homard bleu, poché au moment, puis simplement enrobé d'un beurre noisette, gingembre et citron bergamote, bocconcini, haricots, viande et pinces en salpicon, consommé glacé à la menthe verte, focaccia coraillée. Le bar. Bar de ligne cuit entier en papillote au citron de menton. Jus de cuisson jumper à l'orge perlée. Pulpe glacée de pommes vertes, coriandre fraîche et coco râpé. Le biscuit soufflé à la chartreuse. Liqueur verte des pères chartreux. Chartreuse jaune en paillettes et en gelée. Trois petites pâtisseries célestes. Un sacristain, une religieuse, un capucin. Amen.